L'être humain, il peut, au niveau de son intelligence, reconnecter à sa source à un moment donné. Il y a de l'intelligence universelle, il est en contact avec l'intelligence universelle, ce qu'on appelle l'esprit. Donc, Dieu a fait l'homme à son image. Si on ne l'interprète pas d'une façon radicale, textuelle, c'est très intelligent. On n'a pas le choix de considérer que c'est réel parce que c'est des lois d'infinité, ça. Que Dieu a fait l'homme à son image, c'est des lois d'infinité, ça n'a pas le choix. De la même façon que tout est fait à l'image de l'intelligence, pareil, là, je veux dire, tout ce qui est en mouvement. Donc, oui, l'être humain a été fait à l'image de Dieu, mais c'est une image interne. Les religions ont montré Dieu sous la forme d'un bonhomme barbu, mais ça, c'est une image, c'est pas la même image, là, mais. Si on regarde, si tu regardes la peinture de Michel-Ange, la création d'Adam, ça, si tu regardes comme il faut les formes, je ne sais pas si c'est consciemment qu'il a fait ça, mais ce que ça montre, si tu regardes au niveau mathématique, la structure de la peinture qui est au centre de la chapelle Sixtine, ce que ça montre, c'est l'activation du cerveau éthérique. Dans le sens que Yahvé, il est entouré, il y a des espèces de chérubins autour, puis il s'étire le doigt, puis tout. Puis si tu regardes la forme qui l'entoure, puis tout, ça a une forme d'un cerveau, un petit peu. Puis si tu regardes Adam ensuite en face, puis tout, puis que tu repenses à la notion de reflet à travers les éthers, puis c'est là que Adam devient un principe microcosmique d'incarnation dans l'homme de l'univers, au fond. Donc, ça, la création d'Adam à ce niveau-là, oui, c'est correct, mais au niveau psychologique, tout est inversé. C'est au niveau psychologique que Adam a créé Dieu. Oui, ben l'homme a créé Dieu à son image en fonction de ses C'est projections, ça. ses croyances, ses peurs. Donc, c'est un dieu de mort que l'homme a créé. L'homme ne peut pas créer un dieu de vie. Parce qu'il aurait fallu Parce qu'il que soit dans la vie pour le faire, ouais. si tu crées une projection à partir de tes angoisses et tes peurs, ça va être un dieu de mort, ça va être. Le dieu, le vrai, le réel, le principe universel, intelligent, peut créer la vie. Mais un être qui est voué à la mort à partir de la vie, pouvoir appréhender ou concevoir un Dieu vivant, là, c'est plus difficile. Parce que c'est un être qui est en gestation, donc qui est à moitié dans la mort encore. C'est un être transitif. Il peut pas avoir une notion de l'absolu qui sera pas une souffrance dans sa psychologie. C'est trop vaste, c'est trop infini, il va avoir le vertige. L'être humain est un être limité, c'est-à-dire que l'évolution se fait par division dans le plan matériel. L'être humain, c'est une limite de l'universel, même si lui est infini en tant que microcosme. Mais il ne peut pas avoir autrement qu'une vision limitée de l'infinité, surtout s'il la réfléchit, s'il la pense. Là, c'est comme les lois de la thermodynamique, il vide l'énergie, il gruge, il désagrège. Le réel, on ne peut pas réfléchir la réalité. Ce qui se pense pas, c'est encore pire de le réfléchir. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se voit pas.